إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers auditeurs, la science légiférée est le seul chemin qui mène au salut et à la réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui emprunte ce chemin comme il se doit, en prenant la science de ses sources authentiques, c'est-à-dire le livre et la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, alors celui-ci, il obtiendra le salut et la réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'étude de la science, c'est une adoration qui nécessite ce que nécessitent les autres adorations. C'est-à-dire que pour être acceptée et bonne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit remplir les deux conditions qui sont la sincérité et la conformité. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que la recherche de la science du Coran et de la sunna, a une place immense dans notre religion. Et ceux qui recherchent la science ont reçu de belles annonces de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son messager sallallahu alayhi wa sallam, à condition qu'il apprenne cette science et la mette en pratique sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en parallèle de cela, celui qui n'apprend pas la science ou celui qui apprend la science et ne la met pas en pratique ou qui la met en pratique mais ne la met pas en pratique sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala ou en opposition à ce qu'a légiféré le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-ci, il a reçu des menaces sévères de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est venu dans les textes. La science donc, elle est d'une grande importance. Et c'est la science profitable qui va purifier ton cœur des ambiguïtés ainsi que des désirs. Les ambiguïtés, c'est ce qui fait naître dans ton cœur l'incertitude. Quant au désir, c'est tout ce qui vient souiller ton cœur et le mène à la paresse quant à l'accomplissement des actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la science profitable, elle va te permettre de te débarrasser de ces deux maladies et de ces deux vices qui sont les ambiguïtés ainsi que des désirs. Et elle va t'apporter en parallèle de cela deux choses immenses qui sont la certitude ainsi que la foi complète qui t'aidera à atteindre ton objectif en termes d'œuvres pieuses qui s'opposent au désir de l'âme. Et plus la personne avance sur le chemin de la science, plus sa certitude augmente, plus sa foi augmente, et plus il s'éloignera des ambiguïtés ainsi que des désirs. Et ainsi, il concrétisera le bonheur et la réussite ici-bas ainsi que dans l'au-delà par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit « Le bien, le bonheur, la perfection et la bonté se résument à deux choses, la science profitable et les œuvres pieuses. » Donc la personne qui est douée de raison, elle va multiplier les efforts pour apprendre cette science profitable et pour mettre en pratique cette science sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc après cette courte introduction, nous allons maintenant parler du sujet de notre cours, qui est l'étude du livre Usul Sunna, les fondements de la sunna de l'imam Abu Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Concernant l'auteur de cette épître, c'est l'imam al-Hafidh, le grand savant Abu Bakr Abdullah Ibn Zubayr, Ibn Isa, Al-Qurashi, Al-Humaydi, Al-Makki, rahimahullah ta'ala. Ce grand imam, nombreux parmi les imams de l'islam, ont rapporté de lui des hadiths. Et à leur tête, le grand savant Et l'imam du hadith, Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail, al-Bukhari rahimahullah ta'ala, l'auteur de l'authentique, al-Sahih, qui est le livre le plus authentique après le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il a rapporté de l'imam al-Humaydi, entre autres, le premier hadith de son Sahih, le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, إنما الأعمال بالنيات. Également l'imam muslim ainsi que l'imam Abu Dawood, les deux razis, Abu Hatim et Abu Zur'a, ainsi que d'autres grands savants de l'islam ont rapporté de l'imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Quant à lui, il a pris la science des grands imams de son époque comme l'imam Waqi' ibn al-Jarrah ainsi que l'imam Qutayba ibn Sa'id rahimahumullah ta'ala, et d'autres savants parmi les gens de son époque. Nombreux sont les gens de science qui ont fait les éloges de l'imam Abu Bakr al-Humaydi rahimahullah. On peut mentionner à titre d'exemple la parole de l'imam des gens de la sunna, l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, qui a dit à son sujet: Al-Humaydi est pour nous un imam. Al-Humaydi est pour nous un imam. L'imam Ishaq ibn Rahouya, rahimahullah ta'ala, a dit: les imams à notre époque sont Al-Shafi'i, Al-Humaydi et Abu Ubaid. Donc il a mentionné parmi eux l'imam Abu Bakr al-Humaydi, rahimahullah ta'ala. Quant à l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a dit au sujet d'Al-Humaydi: Al-Humaydi est un imam dans le hadith. Et Al-Hafidh, l'imam Abu Abdillah, Al-Hakim rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet: Al-Humaydi est le mufti des gens de Mekka et leur muhaddith, leur savant du hadith. Il est pour les gens du Hijaz, en termes de sunna, ce que Ahmed ibn Hanbal est pour les gens de l'Irak. Donc tous ces témoignages de ces grands savants et de ces imams de l'islam suffisent pour nous montrer le rang qu'avait cet imam auprès des gens de la sunna parmi les gens de science. Et cet imam, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Humaydi, il est mort en l'an 219 de l'Hégire, comme l'a mentionné son élève, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il fait donc partie des salaf, rahimahumullah ta'ala, les pieux prédécesseurs, ceux auxquels nous revenons quant à la compréhension du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et cet imam, il a de nombreux écrits qui sont mentionnés dans sa biographie, mais très peu d'entre eux ont été imprimés, que son livre Al-Musnad. Et à la fin de ce Musnad, il a été joint cette petite épître que nous allons lire, qui est Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah. Quant au titre de cet ouvrage, Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, il est donc composé de deux termes. Le premier est Usul, que l'on a traduit par fondement. Et les fondements, c'est ce sur quoi est basée une chose. Ce sont donc un ensemble de principes sur lesquels repose une chose. Et en l'occurrence ici, la sunna. Et la sunna, dans la langue arabe, elle signifie la voie ou le chemin, qu'il soit bon ou mauvais. On dira par exemple, cette personne est sur la sunna d'un tel. C'est-à-dire qu'il suit sa voie et qu'il suit son chemin. Quant à son sens religieux, alors la sunna, elle désigne tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ordre et interdiction, parmi les choses obligatoires, ainsi que les choses recommandées, de même que le délaissement des choses interdites et des choses détestables. Elle englobe donc toute la religion. C'est pour cela que l'imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, il a dit en introduction de son livre, Sharh Sunnah, sache que la sunna est l'islam et que l'islam est la sunna. Car la sunna englobe l'ensemble de la religion. Ensuite, le terme sunna, il faut savoir qu'il a pris différents sens selon les sciences dans lesquelles il est employé. Par exemple, dans la terminologie des savants du hadith, le mot sunna désigne tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, acte, approbation ou attribut physique ou moral. Quant aux savants du fiqh, les savants de la jurisprudence islamique, ils emploient généralement le terme sunna pour désigner ce qui est recommandé. Donc on voit que le sens pour eux du mot sunna il est beaucoup plus restreint. Et des gens ont tendance à penser que le mot sunna ne désigne que cela, les choses qui ne sont pas obligatoires, qui sont recommandées. Et ceci les a conduits à négliger, voire à mépriser, nombre de sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsque l'on expose certaines choses qui font partie de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à certaines personnes, tu les vois se renfrogner et te dire « Oui, mais ceci est la sunna. Oui, mais ceci est une sunna. » Comme si ceci n'avait aucune importance. Ils ne se comportent même pas avec ces choses comme si c'était des choses recommandées. Car la chose recommandée, c'est une chose qui est demandée aux musulmans de l'accomplir. Il doit faire des efforts pour accomplir ce qui est recommandé afin de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela, il se comporte avec la sunna comme si c'était une chose détestable. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit « Oui, mais ce n'est qu'une sunna. » Comme si ce n'avait pas d'importance. Alors que la sunna, elle englobe parmi elles ce qui est recommandé, mais aussi ce qui est obligatoire. Comme on l'a vu dans son sens général, elle englobe l'ensemble des règles de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Reste à savoir maintenant quel est le sens qui est visé ici dans le titre du livre. La réponse est que le terme sunna, il désigne ici la croyance sunnite authentique. Celle qui est conforme à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. En effet, chez l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a dit le terme sunna dans les paroles des salafs désigne la sunna dans les adorations et les croyances, bien que la plupart de ceux qui ont écrit au sujet de la sunna ne visaient que ce qui est lié aux croyances. Et dans ce sens est venue la parole d'Ibn Mas'ud, de Bay ibn Ka'b et d'Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhum, faire peu sur la sunna est meilleur que faire des efforts dans l'innovation. Et l'imam ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, a dit « Ce que les imams visaient par la sunna, c'est la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celle sur laquelle il était lui et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, celle qui est exempte des ambiguïtés et des désirs. Puis par la suite, cela est devenu, c'est-à-dire le sens du mot sunna, ce qui est exempt des ambiguïtés dans les croyances et spécifiquement dans les questions liées à la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, aux messagers, au jour dernier, ainsi que les questions liées au destin, au mérite des compagnons et d'autres sujets. Ils ont écrit dans cette science des livres intitulés sunna et ils ont spécifié cette science par la sunna car son danger est immense. Et l'opposant dans ces questions est au bord de la perdition. Ceci est la fin de la parole de l'imam Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala. Donc la sunna ici, elle désigne particulièrement les questions liées aux croyances. Donc lorsqu'on dit les fondements de la sunna, ceci est un ensemble de principes fondamentaux sur lesquels repose la croyance sunnite authentique. Et l'auteur ici dans cette épître, il n'a pas mentionné l'ensemble des principes de la sunna. En effet, comme vous allez le voir, son épître, elle est assez concise. Mais il a mentionné quelques fondements importants parmi les fondements de la croyance des gens de la sunna. Et les sujets qu'il a traités dans son livre se résument à ce qui suit. Tout d'abord, il va parler de la foi au destin. Et c'est ce que l'on va voir dans l'assise de ce soir, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il va aborder la définition de la foi, puis les mérites des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et ce qui nous incombe à leur égard, ainsi que la croyance correcte au sujet du Coran, de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala après la mort, et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, il va terminer avec la différence entre les gens de la sunna et les khawarij, au sujet du statut de celui qui commet des grands péchés, puis il va clôturer par le jugement du délaissement des piliers de l'islam ou de certains d'entre eux. Donc comme vous le voyez, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, dans cet épître, il a abordé quelques fondements parmi les fondements des gens de la sunna. Il dit, rahimahullah, « As-sunna indana an yu'mina ar-rajulu bil-qadari khayrihi wa sharri, huluhi wa murri, wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun li-ukhtia, wa anna ma akhta'ahu lam yakun li-yusiba, wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah. » Il dit, rahimahullah, la sunna consiste pour nous à ce qui suit. Que l'homme croit au destin, en son bien et en son mal, en sa douceur et en son amertume, ainsi qu'il sache que ce qu'il a atteint ne pouvait lui échapper, tout comme ce qui lui a échappé ne pouvait l'atteindre. En effet, tout ceci est un décret provenant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il commence par dire, la sunna consiste pour nous. Donc on a vu que la sunna, elle désigne ici la croyance sunnite authentique sur laquelle était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et lorsqu'il dit, elle consiste pour nous, à qui revient le pronom ici? La sunna consiste pour nous, c'est-à-dire pour les savants des salafs, les imams de la religion que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a pu rencontrer ou entendre d'eux. Ensuite, il a dit, rahimahullah, que l'homme croit au destin, en son bien et son mal, en sa douceur et son amertume. On voit donc qu'il a commencé cet ouvrage par la foi au destin. Et la foi au destin, c'est un pilier immense parmi les piliers de la foi. Et le fait qu'il ait commencé par celui-ci, cela ne veut pas dire qu'il a négligé les autres piliers de la foi. En effet, le fait d'avoir foi au destin implique nécessairement la foi aux 5 autres piliers. Car il est impossible pour la personne de concrétiser la foi au destin si ce n'est en concrétisant la foi en l'ensemble des piliers de la foi. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, ainsi qu'au jour dernier. Et il est probable que l'auteur, rahimahullah ta'ala, ait commencé par cela, de par le grand besoin qu'il y avait à son époque. En effet, à cette époque, était propagée l'innovation des qadarites, al-qadariya, que ce soit les négateurs, ceux qui reniaient le destin, ou alors al-jabriya, ceux qui prétendaient que l'homme n'a pas de volonté et qu'il est contraint de ses actes. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a commencé par ce fondement immense à cause de la présence de cette ambiguïté. Il a donc voulu insister et confirmer l'importance de la foi au destin. En effet, la foi au destin, c'est un fondement immense parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe. L'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre « Al-Iqtisad fi dhikri l'i'tiqad » Les imams des salafs, parmi les gens de l'islam, sont unanimes concernant la foi au destin, en son bien et en son mal, en sa douceur et en son amertume. Donc ceci fait partie des choses sur lesquelles les imams de l'islam sont unanimes, l'obligation d'avoir foi en destin. En effet, il est venu dans le hadith, rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme n'aura pas la foi tant qu'il ne croira pas au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » Et ce hadith a été jugé comme bon par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et lorsqu'il dit, rahimahullah, que l'homme croit au destin, est-ce que ceci est limité à l'homme? La réponse est non. Ces questions, elles sont obligatoires pour les serviteurs de manière générale. Et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ensuite, l'imam Abu Bakr al-Humaydi, rahimahullah ta'ala, a dit, « Ainsi qu'il sache, c'est-à-dire l'homme, le serviteur, qu'il sache que ce qu'il a atteint ne pouvait lui échapper, tout comme ce qui lui a échappé ne pouvait l'atteindre. En effet, tout ceci est un décret provenant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Donc le serviteur croyant, il a la ferme conviction et la certitude que tout ce qu'il atteint comme épreuve et comme difficulté, elle n'aurait pu lui échapper. Car ceci sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétées. Et tout ce qui lui a échappé, alors il n'aurait pu en aucun cas l'atteindre. Car cela ne lui a échappé que par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu as la certitude de cela et la foi complète en cela, alors tu verras que tu trouveras l'apaisement dans ton cœur. En effet, le fait d'avoir foi complète au destin fait naître dans le cœur du serviteur un apaisement, car il a la certitude que tout ce qui se passe dans cet univers, cela n'a lieu que par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que rien ne se produit dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est par sa volonté. Donc celui qui a la certitude de cela, tout d'abord, cela va apaiser son cœur, car il sait qu'il ne peut rien obtenir de ce bas monde si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. et que tout ce qu'il atteint comme épreuve et comme méfait, ce n'est que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur, il s'apaise et il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remet à lui en toute chose. Celui qui a la croyance correcte, la croyance sunnite et authentique quant à la foi au destin, il trouvera cet apaisement dans son cœur. Et il se rappellera sans cesse lors des épreuves de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا » Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'Allah a placé en celle-ci un bien abondant. Toi, lorsqu'il t'arrive une épreuve, tu ne sais pas le bien qui t'atteint. Tu ne sais pas le bien qui est allié en celle-ci. Car nous, notre vue, elle est limitée. Et on ne voit que la nuisance apparente. Mais si tu réfléchis bien à ce qu'il y a derrière cette épreuve, tu t'apercevras qu'en réalité, souvent, les épreuves sont une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu en tires de grands bienfaits. Donc ce qui nous incombe à nous, c'est de savoir comment se comporter face à cela. Comment tu dois te comporter lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde un bienfait et comment te comporter face à l'épreuve. Et ce qui est légiféré pour le croyant, c'est que lorsqu'il est dans les moments d'aisance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui décrète un moment d'aisance et des bienfaits, il doit y faire face avec de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait et cette aisance qu'il lui a accordé. Et il doit utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au moment d'épreuve, le serviteur il doit y faire face avec patience et endurance. C'est-à-dire que lorsque tu es éprouvé, tu patientes face à l'épreuve. Et si tu es patient, tu obtiendras de cette épreuve et de cette chose qui te fait souffrir un grand bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il est venu dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive un bien, il est reconnaissant, c'est-à-dire il est reconnaissant envers Allah. Et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal ou une épreuve, il patiente, il est endurant. Et c'est un bien pour lui. Et ceci n'est possible que pour le croyant. » Pourquoi cela n'est possible que pour le croyant? Car celui qui ne croit pas au destin, qui ne sait pas que tout ce qui lui arrive provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas être patient face aux épreuves. Il ne va pas être reconnaissant lors des moments d'aisance. C'est pour cela qu'il n'y a que le croyant qui profite de ce bienfait. Lorsqu'il est dans un moment d'aisance, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et il est récompensé pour cette reconnaissance. Et lorsqu'il lui arrive une épreuve, qu'un mal le touche, il patiente et il est endurant et c'est un bien pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et méditez à ce sujet sur un récit rapporté par Al-Hafidh Ibn Asakir rahimahullah ta'ala dans son livre « L'histoire de Damas ». Il a rapporté rahimahullah qu'un homme est un jour tombé, un homme parmi les chefs de l'armée, il est tombé et ses deux pieds se sont cassés. Alors l'imam Abu Qilaba rahimahullah ta'ala, il est venu lui rendre visite et il lui a dit « Il se peut qu'il y ait un bien pour toi en cela ». Alors cet homme, il lui a dit « Oh Abu Qilaba, quel bien peut-il y avoir dans le fait que mes deux pieds sont cassés ?» Et écoutez ce qui lui est arrivé par la suite à cet homme. Lorsque les armées ont été formées pour combattre Al-Hussein ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhuma, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le gouverneur a envoyé un messager à cet homme pour lui ordonner de combattre Al-Hussein. Alors le messager il est venu à lui pour l'informer de cela qu'il devait sortir pour le combat. Et il a dit au messager, en s'excusant, « Ne vois-tu pas ma situation et que j'ai les deux pieds cassés ?» Alors il l'a excusé et il n'a pas eu à sortir au combat. Et il a dit après cela, « Qu'Allah fasse miséricorde à Abu Qilaba. Il y avait réellement un grand bien dans le fait que mes deux pieds se soient cassés. Et quel bien immense ! Louange à Allah qui m'a préservé du sang du fils de la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou une parole semblable à cela. » Donc on voit qu'à travers les épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous réserver un grand bien. Ceci ne veut pas dire que la personne, elle doit souhaiter être éprouvée. Ceci n'est pas permis. Et il n'est pas permis à l'homme de s'exposer lui-même aux épreuves. En effet, tu ne sais pas comment tu vas te comporter face à des difficultés. Il est possible que tu ne patientes pas. Il est possible que tu perdes des choses immenses, voire même que tu perdes ta foi et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous raffermir sur sa religion jusqu'au jour de sa rencontre. Mais il est obligatoire pour l'homme de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le salut, de le préserver des épreuves. Mais une fois que l'épreuve vient, alors tu dois y faire face par la patience et l'endurance. Ainsi le serviteur croyant, le monothéiste qui a conscience de ces choses-là, qui a la ferme conviction que tout ce qui lui arrive provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors toute difficulté, elle deviendra simple pour lui. Car il y fera face par ce qui lui incombe vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de reconnaissance ou d'endurance. Donc après ces paroles générales, au sujet du destin, on va terminer cette assise en mentionnant les 4 degrés de la foi au destin. En effet, la foi au destin, elle comporte 4 degrés, comme le mentionnaient les gens de science, rahimahumullah ta'ala. Le premier degré de la foi au destin, c'est l'ilm, la science. C'est-à-dire que le serviteur, il croit avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toutes choses et que rien ne lui échappe. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا » Allah embrasse toutes choses de son savoir. Et il dit subhanahu wa ta'ala « إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ » Allah a connaissance de toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa science elle englobe toutes choses. Il a connaissance de tout ce qui s'est produit, tout ce qui se produit en ce moment et tout ce qui va se produire à l'avenir. Et également, il a connaissance de ce qui ne se produit pas. Si cela se produisait, comment cela se produirait? En effet, il a dit subhanahu wa ta'ala, يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Il connaît ce qui est secret et ce qui est plus caché encore. Et si tu médites sur ce verset, cela va renforcer ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ta soumission à lui subhanahu wa ta'ala. En effet, quel est le sens de ce verset? Qu'est-ce qui est secret et qu'est-ce qui est plus caché encore? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a expliqué ce verset en disant que ce qui est secret, c'est tout ce que l'homme se dit en lui-même, ce qu'il y a dans son cœur, ce à quoi il pense et qu'il ne prononce pas avec sa langue. Ceci est ce qui est secret. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a connaissance. Et il dit, et ce qui est plus caché encore. Qu'est-ce qui est plus caché encore que ce qui est secret? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, ce qui est plus caché encore, c'est ce que le serviteur ne s'est pas encore dit en lui-même. Il n'y a pas encore pensé dans son cœur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a pleine connaissance qu'il va y penser à tel moment et à tel endroit. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe toutes choses. Et ceci est le premier degré de la foi au destin. Le deuxième degré, c'est le kitab, l'écriture. Et c'est que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses sur la tablette préservée. Tout ce qui va se produire depuis le début de la création jusqu'au jour de la résurrection. Aussi moindre soit-elle, chaque chose est écrite dans la tablette préservée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum » illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Nul malheur n'atteint la terre ni vos propres personnes sans que cela ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé, avant que nous n'ayons créé cette chose. Et cela est certes facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit toutes choses avant la création. En effet, il est venu dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim rahimahullah d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit le décret de toutes choses 50,000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et il est venu dans un autre hadith que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est al-qalam, la plume. Il lui a dit écris. Elle lui a dit: que dois-je écrire? Il lui a dit, écris toute chose qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Le troisième degré de la foi au destin, c'est le mashi'a, la volonté. Et c'est le fait que tu crois que rien ne se produit si ce n'est par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, le serviteur, il a une volonté. Mais cette volonté, elle est subordonnée à la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien n'est possible dans cet univers sans la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le quatrième et dernier degré de la foi au destin, c'est al-khalq, la création. Et c'est le fait que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble des créatures, qu'elles soient petites ou grandes, que tu les voyes ou que tu ne les voyes pas, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a également créé leurs actes. En effet, il a dit subhanahu wa ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez. Tes actes et tes œuvres, ils font également partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Ceci sont donc les quatre degrés de la foi au destin auxquels il est indispensable pour le serviteur de croire afin de concrétiser sa foi en ce pilier immense des piliers de la foi qui est la foi au destin. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la suite, incha'Allah ta'ala, dans la prochaine assise, la semaine prochaine, à la même heure. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.